Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portes sans retouche de celle à qui j'appartiens. Quand je la prends dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois ma vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il n'est pas très dans mon cœur, il n'est pas de bonheur, dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle, dans ma vie. Je l'ai dit, l'ai juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins se passent, heureux en mourir. Quand je la prends dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois ma vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça fait quelque chose. Il est attiré dans mon cœur, une épreuve de bonheur dont je connais la cause. Perçois, allons-je sans à moi, mon cœur.